La vie est un équilibre thermodynamique autogéré. Dans nos vies, le psychisme est un second équilibre, en lien avec le premier, mais dont la gestion est un peu plus consciente. Lorsque notre vie connaît des heurts, il est souvent possible, tel un jongleur, d'adapter des paramètres pour modifier nos conditions de vie et retrouver l'équilibre psychique souhaité. Pour cela, il faut réussir à conserver dans notre psychisme une zone stabilisée qui nous sert de refuge et de référence pour corriger ce qui est perturbé. Le travail consistant à protéger cette zone s'appelle prendre du recul, c'est-à-dire désimpliquer cette partie de nous, la protéger, devenir spectateur de notre condition, se dédoubler en somme. Ne pas réussir à créer cet administrateur de notre fonctionnement nous prive de référence et il n'est donc plus possible de corriger notre parcours. C'est le désordre qui s'installe. Nous agissons alors sans cohérence, devenons manipulables, perdons la compréhension des événements, ne comprenant plus quelles valeurs sont importantes pour notre survie. Un modèle est alors recherché à l'extérieur. D'autant plus simple que l'on est déboussolé. Si le modèle est bienveillant, cette solution de survie est une bonne solution provisoire, le temps de se reconstruire une volonté propre. Mais elle peut être catastrophique si le modèle en profite pour abuser de la confiance qui lui est offerte. En outre, retrouver un équilibre qui a gravement été perturbé est difficile. L'administrateur faisant office d'amortisseur n'existant plus, les moindres secousses de la vie sont reçues immédiatement et douloureusement. La reconstruction doit donc se faire dans un environnement protégé. Celle-ci, comme un entraînement physique, doit s'effectuer par des exercices avec un dosage précis, afin de ne pas dépasser les possibilités du moment. Une progression adaptée permettra de retrouver progressivement la confiance en soi qui reconstruira le modèle interne nécessaire au retour à l'autonomie.